À l'occasion du 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, Jirinovsky, président du Parti démocrate libéral de Russie, a fait parvenir le 15 avril un message de félicitations au dirigeant suprême Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée populaire de Corée. Le dessinateur a noté que le président Kim Il-sung a assuré la base de l'amitié et de la coopération de deux pays et de leurs peuples en développement favorable à la paix et à la sécurité de l'Asie-Pacifique dans la nouvelle situation historique. Il a souhaité à l'occasion de la fête nationale coréenne du progrès aux camarades Kim Jong-un, au Parti du Travail de Corée et aux travailleurs de la République populaire démocratique de Corée dans tous les domaines de la vie, la paix dans la péninsule coréenne, le bonheur à tous les foyers coréens et le développement des relations économiques et culturelles bilatérales.